les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Voici la suite d'une série d'entretiens de Carlos Fuentes, réalisée au Mexique par Roger Pilaudin en 1971. Dans un contexte historique très agité, un peu plus de 2 ans après la répression sanglante du mouvement étudiant de 1968. Carlos Fuentes parle ici de son métier d'écrivain et du rôle de l'art dans la société mexicaine. Conversation avec Carlos Fuentes. Nouveau dialogue aujourd'hui au cours de ce 9e carnet mexicain avec Carlos Fuentes, romancier et dramaturge mexicain. Dans un climat politique et social tel que vous nous l'avez décrit, Carlos Fuentes, quelles peuvent être les conditions de vie et de travail d'un intellectuel, d'un écrivain comme vous, par exemple? Ce ne doit pas être très facile. Je pense que, quand même, un intellectuel mexicain peut vivre bien aujourd'hui et avec indépendance s'il le veut. Vous le pensez sincèrement? Ah oui, sincèrement, oui. Moi, je vis bien sans appartenir au gouvernement ni au establishment mexicain, non? Moi, je vis de mon travail, de mes livres. Mais je pense que le monde est très grand. Moi, je travaille en France, je travaille en Italie, je travaille en Angleterre, je travaille aux États-Unis, je travaille au Mexique. Mes livres sont un peu partout. Je fais du cinéma, j'écris des essais, je fais du théâtre. Vous pouvez faire du cinéma ici? Non, pas au Mexique. Pas au Mexique, mais je fais du cinéma en Italie, en Angleterre et en France. Vous aviez écrit un scénario pourtant qui devait être tourné ici. Oui, mais qui a été interdit par le président Díaz-Ordaz. Et pourquoi? Une vengeance pure et simple, une vengeance assez bête. Parce que moi, j'étais déjà payé pour mes droits. Et simplement, comme vengeance, il a décidé d'empêcher le tournage du film. Et il a bien foutu l'actrice principale, qui était Maria Félix, le producteur du film, qui était le fameux caméraman Gabriel Figueroa, et tous les autres acteurs et techniciens. Il ne m'a pas touché, c'était assez bête, n'est-ce pas? Mais ils ont ce réflexe de vengeance. Mais c'était là une vengeance politique personnelle. Ah oui, parce que j'avais fait des déclarations au Monde de Paris pour condamner le massacre de Place des Trois Cultures. Et ensuite, parce que j'avais fait une distinction dans les journaux mexicains entre un président qui ne dure que 6 années au pouvoir et un intellectuel qui dure toute la vie au pouvoir. Et le cinéma mexicain dont il a été pendant un certaines années, autour des années 50, a été un cinéma très important. Quelle figure a-t-il dans ce climat de censure, on peut dire, puisque le président est le grand censeur, si je comprends bien? C'est un film qui ne fait que de navets. C'est un des cinémas les plus abominables du monde. Qui a pourtant donné des grands metteurs en scène. Non, un seul grand metteur en scène, si on doit être très honnête, Luis Buñuel, qui existait avant venir travailler dans le cinéma mexicain, qui est un grand créateur. Si vous voyez le film fameux du cinéma mexicain des années 40, fait par Emilio Fernandez, notamment Alejandro Galindo, Julio Bracho, ce sont des films qui ne résistent un deuxième vue, n'est-ce pas? Ils sont très mauvais. Le seul grand film fait au Mexique, ce sont les films faits par Luis Buñuel. Mais est-ce qu'aujourd'hui ne se dessine pas une nouvelle génération parmi les cinéastes, comme parmi les intellectuels, les écrivains, qui essayent de sortir par des moyens peut-être un peu contourner des conditions dans lesquelles se fait le cinéma. Mais vous voyez, aujourd'hui, si on ne fait pas un cinéma politique, on ne fait pas un cinéma, non ? Tous les films importants qu'on fait aujourd'hui ont un contenu contestataire. Le cinéma a le privilège de voir la vie contemporaine d'une façon directe, d'une façon vraie. Et si le cinéma ne fait pas ça, je pense que les jeunes gens qui sont le public majoritaire du cinéma aujourd'hui, parce que les vieillards comme nous restent voir la télévision la majorité de fois, et ce sont les jeunes gens qui font le succès ou l'échec d'un film, n'est-ce pas ? Le grand public du cinéma est un public dans le monde aujourd'hui qui a entre 15 et 25 ans, non ? Et ce genre-là exige un cinéma nouveau. Oui, de cinéma nouveau. Mais ce sont les films qui ont un grand succès, précisément. Non, le vieux film avec vedettes, spectacle n'intéresse personne maintenant. Non, les gens d'un certain âge restent chez eux tranquillement voir la télévision. Ça leur donne tout ce dont ils ont besoin. Mais les jeunes gens ne vont voir une vedette, un spectacle. Ils demandent, ils exigent que le cinéma leur donne la vérité, un peu la critique, la contestation, la multiplicité de la vie, la vérité des relations humaines, etc. Alors, un cinéma qui ne donne pas ça n'a aucune chance. Le cinéma mexicain, c'est un cinéma pour un alphabète. C'est un cinéma fait pour le grand public, pour la grande masse des spectateurs analphabètes de l'Amérique latine. Et c'est son seule illusion d'arriver à ces gens-là, de trouver ce public-là, non ? Il ne veut pas autre chose. Il existe pourtant encore un public qui s'intéresse à ces films traditionnels, parce que j'ai vu de la fenêtre de ma chambre d'hôtel une énorme affiche en arrivant, La Dama de las Camélias, avec Dolores del Rio. J'ai cru revenir 20 ans en arrière. Non, mais ça appartient au monde de la légende, non ? Parce que Dolores del Rio a le privilège d'être sur scène comme elle-même et comme sa légende. Elle est double, elle est deux actrices, non ? Et finalement, une femme de 68 ans qui a cette beauté sur scène a quelque chose d'assez admirable, non ? Parce que vraiment, si vous allez voir ce spectacle, vous verrez la même actrice qui a fait Madame du Barry. Même les costumes, c'est assez semblable avec les crinolines et tout ça. Alors on voit la même actrice que l'année 1933 au studio de la Warner Brothers à Hollywood a fait Madame du Barry. C'est la même femme, non ? Le temps ne passe pas. Alors c'est Dorian Gray, c'est le miracle, c'est la Fons Juventus. On va voir ça. On va voir ce miracle. Oui, mais enfin, vous ne dites pas il faut massacrer tout ça. Moi, non, parce que j'ai une grande idée du camp et du ridicule, comme un des éléments importants de l'art, d'une tradition, n'est-ce pas ? Et dans les jeunes, il n'y a personne qui semble vouloir faire autre chose que ce genre de cinéma. Oui, il y a des gens qui ont une bonne volonté, qui veulent faire un cinéma nouveau. Ils commencent parfois, dans les cas que je connais, ils commencent par faire un cinéma audacieux, au niveau psychologique, érotique, parce que la politique c'est interdit chez nous. Mais au deuxième, troisième film, ils entrent dans la mécanique de l'industrie, du commercialisme, du cinéma mexicain. Les exigences sont tellement pesantes, n'est-ce pas ? Il faut faire un film en 3-4 semaines. Pour un certain public, c'est une caméra, un cinéma qui a un seul œil, qui est un cinéma borgne en quelque sens. Il ne voit qu'avec un œil. Les résultats sont mauvais, non ? Mais je pense qu'il y a des grands metteurs en scène en Amérique latine qui pourraient collaborer avec le cinéma mexicain, essayer de faire un cinéma un peu meilleur. Par exemple, Jorge Lavelli, le metteur en scène, vient d'être au Mexique, il a parlé avec le producteur, ils lui ont offert la possibilité de faire 2-3 films. Il faut voir ce que ça donne, non ? Il faudrait inviter des gens comme Glauber Rocha, Rui Guerra, Carlos Saura, des magnifiques metteurs en scène du monde espagnol et latino-américain qui pourraient faire des choses très bien. Mais toujours, il faut voir qu'au Mexique, il y a l'interdiction politique, non ? Est-ce que c'est pareil pour le théâtre ? Oui, c'est pareil. Tout à fait pareil. Qu'est-ce qu'on joue à Mexico, par exemple, en ce moment ? En ce moment, on joue La Dama de las Camélias avec Dolores del Rio. Oui, c'est au théâtre. C'est qui a fait du Schreier très bien aussi à Paris, n'est-ce pas ? C'est un rôle pour des actrices mûres. Ouais. Mais en dehors de ça, au théâtre, on ne peut rien voir de pièces, disons, engagées. Est-ce que vous-même, il ne vous est pas arrivé une mésaventure avec une pièce ? Il n'y a qu'un producteur qui oserait mettre un de mes deux pièces sur scène au Mexique. L'un de ces pièces, vous connaissez, c'est Le Borgne Roi, ce n'est pas strictement une pièce politique, pas du tout. Mais le fait que je l'écris, ça déjà empêche un producteur de donner de l'argent avec la menace d'une interdiction le jour de l'avant-première, par exemple. Non, et l'autre pièce que j'écris, c'est tout à fait une pièce politique qui n'est pas conçue pour être représentée au Mexique, parce que c'est une attaque directe contre le président, contre la massacre de Tlatelolco, etc. Non. Vous dites que dans Le Borgne Roi, on vous a déjà tellement de fois posé la question que j'ose à peine vous la reposer, que Le Borgne Roi est une pièce tout à fait apolitique. Non, pas tout à fait apolitique. Moi, je pense que la politique existe d'une façon implicite, sous-jacente, dans n'importe quelle pièce, non ? Même dans la pièce la plus banale. Même dans la Dame aux Camélias. Même dans la Dame aux Camélias, qui est l'histoire d'une société pleine de préjugés contre une femme qui aime, n'est-ce pas ? Il y a un côté politique, même, de la Dame aux Camélias. Et dans Le Borgne Roi, je pense qu'il y a un aspect politique qui n'est pas du tout exprès, qui est sous-jacent et qui est livré à l'imagination, à la sensibilité, à l'esprit du spectateur, non ? Je pense que ce n'est pas souligné, déchiffré, explicite. Ce n'est pas un ABC, n'est-ce pas ? Heureusement. Heureusement, je pense. Au contraire, nos jeunes amis d'Avignon qui demandaient une explication casuistique, une analyse marxiste. Non, parce que Marx était beaucoup plus que ça, non ? Oui. Marx était un écrivain, un esprit, un intellectuel, un philosophe très intelligent. Il n'était pas un sub-marxiste. Il était même pas un marxiste. Oui. Il était Marx, simplement. Thank you. Voici la suite des carnets mexicains de Roger Pilaudin dans l'épisode qui va suivre, le 10e d'une série de 12. C'est toujours l'écrivain Carlos Fuentes qui nous parle, à la façon d'un conteur, de l'histoire de son pays. On va l'entendre ici dialoguer avec l'anthropologue Fernando Benitez sur les forces et les faiblesses de leur pays, le Mexique, face à la concurrence économique des puissances étrangères. Conversation avec Fernando Benitez et Carlos Fuentes. Il est minuit à Mexico. Nous parlons depuis 5 heures de l'après-midi. Homme passionné, véhément quand il s'agit de questions qui touchent à son pays, Carlos Fuentes, toujours en compagnie de Fernando Benitez, historien des Indiens, va-t-il, dans le sombre tableau qu'il nous a tracé, mettre un peu de lumière, un peu d'espoir? On a dit beaucoup de mal du Mexique, du régime mexicain. Il faut dire quand même que grâce à la révolution mexicaine et à son besoin originel de créer une infrastructure et une possibilité de développement national vis-à-vis la pression terrible des États-Unis sur le Mexique et sur l'Amérique latine en total, le Mexique a un grand atout. Et c'est le pays de l'Amérique latine qui a le secteur public le plus grand, le plus large. Ce secteur public n'existe pas dans les pays de l'Amérique centrale. Il est très réduit en Argentine, au Chili, avant l'élection d'Allende, au Brésil, au Pérou, partout. Tandis que le Mexique, grâce à ses nationalisations, fondamentalement de l'industrie pétrolière, et la nationalisation de l'électricité, à la création de institutions de financement national, un secteur public assez large, qui serait la base probable dans le futur d'un développement national, d'un développement indépendant. Alors, la lutte vraie pour l'Amérique latine et pour le Mexique dans le futur, ce sera précisément entre le secteur d'État, le secteur public et le secteur privé, qui est dans sa totalité, on peut dire maintenant, est aliéné à la politique économique impérialiste des États-Unis. Dans sa totalité? Presque dans sa totalité. Je dirais dans un 90%, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le grand rêve de la révolution mexicaine, même de Cárdenas, qu'il était possible d'avoir une bourgeoisie nationale, une bourgeoisie patriotique, une bourgeoisie qui mettrait les intérêts de la collectivité mexicaine avant les intérêts de l'impérialisme chez nous, aujourd'hui est une impossibilité totale. Parce que le vieux monopole américain, la vieille tradition monopolistique de l'impérialisme américain, aujourd'hui est une autre chose. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de monopole, mais des oligopoles. Des grandes organisations, des grands conglomérats financiers qui ne respectent pas les frontières, qui ne respectent pas les secteurs publics, qui ne respectent pas les secteurs de décisions sociales, économiques et politiques nationales, mais qui, pour sa nécessité même d'intégration internationale, les absorbent et qui font des entrepreneurs nationaux, des industriels nationaux, des commerçants nationaux, et simplement des gérants, des managers, des PDG de ces grandes entreprises financières américaines. N'est-ce pas? Alors, notre grand problème est là. Est-ce qu'on peut défendre, est-ce qu'on peut renforcer, est-ce qu'on peut donner une force, une expansion à ces centres de décision nationale qui signifient les secteurs publics dans l'Amérique latine, ou est-ce qu'ils seront tout à fait écrasés par cet énorme pouvoir des conglomérats oligopoliques des États-Unis? Cela dit, il faut voir quelles sont les statistiques, les figures mêmes de l'exploitation impérialistique des États-Unis en Amérique latine. C'est-à-dire, les investissements des États-Unis en Amérique latine actuellement, ce sont 1 250 millions de dollars. Dans les 10 dernières années, 1 250 millions de dollars. Et les bénéfices que ces mêmes compagnies répatrient sont dans l'ordre de 5 300 millions de dollars. C'est-à-dire que les États-Unis récupèrent en 10 années presque 4 fois ce qu'ils ont investi. C'est incroyable. C'est-à-dire que pour chaque dollar que les États-Unis investissent en Amérique latine, ils récupèrent 4 dollars et demi. C'est incroyable, non? C'est l'exploitation totale, n'est-ce pas? Et à l'inverse, si vous voyez le cadre de ce que les oligarques latino-américains, les classes bourgeoises de l'Amérique latine, mettent dans les bancs des États-Unis et de l'Europe, c'est incroyable, n'est-ce pas? C'est dans les 10 dernières années, ils ont expatrié 500 millions de dollars, c'est-à-dire une somme suffisante pour faire la réforme agraire et l'industrialisation en Amérique latine presque, ou pour donner un grand épanouissement à ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un continent du gaspillage, de l'exploitation totale, non? Si vous voyez une compagnie comme la Standard Oil de New Jersey, la compagnie pétrolière, non? La Standard Oil, avec les 39% de ses capitaux, récupère un 30% de ses investissements en Europe et aux États-Unis. Et avec les 34% de ses capitaux, elle récupère les 50% de ses investissements en Amérique latine. C'est-à-dire qu'en fait, l'Amérique latine est en train de financer le développement économique des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. C'est fou, n'est-ce pas? Ce continent des misérables, des gens sans chaussures, sans éducation, qui meurent, qui sont exploités, qui vivent dans l'indignité totale. Ce sont ces gens-là, avec leur travail, qui sont en train de faire la fortune des grands industriels des États-Unis et de l'Europe. C'est fou, n'est-ce pas? Alors, c'est le problème essentiel à attaquer chez nous, je pense. Hein. Ce sont des statistiques épouvantables, non? Les investissements au Mexique des États-Unis, ce sont de l'ordre de 1,5 milliard de dollars. Alors, c'est le double de l'investissement dans quelques autres pays du Sud-Amérique. Et l'investissement, c'est des choses dans l'industrie qui paye, par exemple, l'alimentation, toute l'alimentation. Il y a encore 15 années que tout le grand commerce a été en main des Espagnols. Maintenant, ce sont dans les mains des Américains. Et malheureusement, il y a autre problème qui obscurcit le panorama. C'est l'impossibilité que nos techniciens interviennent dans la technique, dans la science. Parce que, par exemple, toute l'industrie chimique qui est très puissante au Mexique, c'est tout à fait étrangère. Alors, tous les chimiques mexicaines, c'est le feu de formule que nous n'inventons pas. Nous montons des cars, par exemple, que nous ne faisons pas le design industriel. Et je vois un grand danger parce que toute notre préparation technique, toute notre préparation scientifique n'a pas en ce moment un emploi. C'est ça. Oui, j'allais vous dire, parce qu'elle existe quand même. Il existe. Nous avons des physiciens, des mathématiciens, des chimistes, etc. Mais ils sont employés dans les grandes usines étrangères, non? Et alors, ils seulement montent. Ils appliquent. Ils appliquent les formules. Et leur esprit d'initiative, leur imagination propre est complètement annihilée, bridée. Pourtant, je crois que le Mexique, d'après ce que vous avez dit, l'un et l'autre, est un grand pays pour l'imagination. Oui, je crois que c'est la seule chose que nous ne nous manque pas. C'est une imagination pas du tout pratique, pragmatique, n'est-ce pas? C'est une imagination pour habiller les pouces, par exemple, non? Qui est un grand art mexicain. Vous allez dans le marché et trouver des pouces habillées parfaitement bien, avec des jupes, avec des bas. Oui. Des puces, oui. Ah, des puces. Des puces, oui, les petits insectes, oui. Non? Oui. Avec des bas, des jupes, des chaussures, des chapeaux, des colliers. Nous sommes minutieuses. Nous avons une imagination incroyable pour l'inutile. Ce qui est très important dans ce monde, je pense, finalement, non? Habiller une puce, peut-être c'est moins dangereux que construire une bombe au nitrogène, non? Et la faire danser, elle dit, oui. Ce qui est très important aussi. On voit ça encore aujourd'hui, vraiment? Oui, bien sûr. C'est un pays des miniaturistes, le Mexique, non? Tout ce qui est le décor de miniatures, c'est formidablement bien fait. C'est un pays d'artisans, de grands artisans. C'est là peut-être que l'imagination a dû se réfugier. Oui, et dans ça, et dans un art important, dans la littérature, que je trouve qui est important. Dans les travaux d'ingénieurs, non? Par exemple, nous construisons très bien les grands réservoirs. C'est-à-dire quand les Mexicains peut avoir une opportunité de faire une chose grande avec ses propres moyens. Par exemple, nous sommes possiblement, pour les conditions physiques de notre territoire, un pays qui a besoin de réservoirs. De barrages. Alors, dans ces champs, les ingénieurs peuvent travailler avec imagination. Nous avons inventé des procédures nouvelles dans ces champs, mais dans les champs de l'industrie automotrice, dans les champs, par exemple, de la chimique, de tous les appareils électroniques, nous sommes absolument coupés parce que seulement notre technicien travaille comme employé, comme monteur de les choses qui se sont créées dans l'étranger, non? Ce qui n'est pas du tout un privilège du Mexique, parce qu'à l'intérieur des États-Unis, les inventeurs, les techniciens individuels doivent s'effacer tout à fait devant les exigences des compagnies, des entreprises, n'est-ce pas? Leurs découvertes, leurs rapports personnels ne sont jamais reconnus. Mm-hmm. Ça devient immédiatement un fait anonyme, industriel, de cachet qui appartient à la compagnie même, et les talents individuels est tout à fait écrasé devant ces faits, non? Il y a même un roman de Vicky Baum qui s'appelle The Weeping Wood sur ce problème-là. C'est-à-dire que cet industrialisme, cette technologie efface l'effort individuel toujours, ce qui apparaît en contradiction avec l'origine de cette société individualiste d'entreprise personnelle, n'est-ce pas? Thank you. Ces émissions de Roger Pilaudin sont les 9e et 10e épisodes d'une série de 12. Première diffusion sur France Culture les 14 et 15 juillet 1971. Elles sont à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Y qué alegría, y escucho su guitarra sonando por bulería.